بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فإخوة الإسلام، هذا درسنا 17 في هذه الرسالة المباركة إن شاء الله للعلامة الشيخ الربيع حفظه الله تعالى، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيها الحكمة والعقل. إن الله عز وجل، ça c'est notre 17e cours autour de cette risala binit min Allah azza wa jal, dans le titre la mythologie de la da'wa, la mythologie du prophète alayhi salatu wasalam dans la da'wa. Dedans il y a la sagesse et la raison de son éminence Cheikh Rabi hafidhahullah ta'ala, ou comme il plaisait à Cheikh Nasr rahmatullah alayhi de l'appeler Ar-Rabi, avec l'article défini qui veut dire le printemps, c'est-à-dire le printemps de la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala préserve Cheikh Rabi et qu'il lui donne une longue vie dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans la défense de cette voie de ne plus erreur d'Allah alayhi. Et qu'on déplaise à ceux qui le détestent. Ne le déteste que quelqu'un qui n'aime pas la sunna et qui n'aime pas la voie du salaf d'Allah alayhi. Fa ma'al إمام الموحدين والمثال الخامس لدعوة الأنبياء سيد الأنبياء وخاتمهم محمد بن عبد الله صاحب أعظم رسالة وأكملها وأشملها الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حد لها منه. Avec le cinquième prophète, le cinquième exemple que nous a donné le prophète Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, qui est Muhammad alayhi salatu wasalam, Muhammad ibn Abdillah, le messager d'Allah qui a la plus noble et la plus importante et le plus important des messagers et le plus complet des messages, et qui contient tout ce qui est fait le bien de l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé comme clémence pour le monde d'El Jinn et le monde des humains. Annonciateur et avertisseur, et appelant vers Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lumière. Il a laissé aucun bien sans avoir orienté sa communauté vers ce bien. Il a laissé aucun mal sans avoir averti sa communauté contre ce mal. Frère Allah azza wa jal, Muhammad alayhi salatu salam, c'est l'imam du monothéisme. Et c'est l'imam des prophètes et des messagers alayhi salatu salam. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى بماذا بدأ هذا النبي العظيم من مبادئ الإسلام ومن أين انطلقت دعوته. Écoutez, cette question est très importante. Cheikh de nous dire حفظه الله تعالى avec quoi il a commencé ce noble prophète, par quel point et quel principe de l'Islam il a commencé ce messager عليه الصلاة والسلام, et c'est quoi le point de départ de sa da'wa? Et ceci est une question très importante que nous devons nous poser à chaque fois sur le terrain de la da'wa, se poser la question par où je dois commencer cette da'wa? C'est quoi, ça doit être mon point de départ? Fa yaqulu Cheikh Hafidhahullah Ta'ala innahu alayhi salatu wassalam bada'a bima bada'a bihi kullu al-anbiya wa intalaqa min haythu intalaqu bida'watihim بدعواتهم من عقيدة التوحيد والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده من لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهل يتصور منه أو من أحد من الأنبياء أن يبدأ بغير هذا الأصل العظيم أصل أصول الرسالات كلها. Il dit, حفظه الله تعالى, ce message عليه الصلاة والسلام a commencé par là. Il a débuté sa da'wa par le même point de départ que les autres prophètes عليه الصلاة والسلام. Il a démarré du même point. De là où ils ont démarré leur da'wa, il a démarré عليه الصلاة والسلام. Ils ont démarré tous, et notre prophète عليه الصلاة والسلام aussi, du dogme du monothéisme. Et du fait d'appeler vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a commencé par la ilaha illallah ni din ni tahdouri qu'Allah et Muhammad est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on peut imaginer, ou quelqu'un peut s'imaginer que Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam ou un autre prophète aurait commencé par un autre point que ce point très important, que cette base et ce fondement des fondements sur lequel s'appuient les autres fondements? Est-ce qu'un messager ou là un message a commencé en dehors du monothéisme? Abadan. Vraiment Allah Azza wa Jal, ceci est très important. Notre prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa da'wa avec le monothéisme. Et il l'a terminé à l'époque de la Mecque, pendant la période mécoise. Et quand il s'est installé à Médine, comme nous allons voir, il a continué à prêcher, à prendre l'allégeance sur ses frères, sur ses compagnons, sur le monothéisme. يقول الشيخ لقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأصل فأول شيء ترك مسامع قوله قولوا لا إله إلا الله فقال المستكبرون منهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد الشيخ دنودير que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a commencé avec cette base principale qui est le monothéisme, qui est le premier point de départ. Et il a commencé à marteler, lui, de son peuple, avec le fait, dites la ilaha illallah. Dites la ilaha illallah. Et les orgueilleux parmi son peuple, ils ont dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a cité dans le Coran, est-ce qu'il a fait que la divinité est une seule divinité? Ceci est une situation extraordinaire. Et ils sont partis, et ils se sont dit entre nous, entre eux, patientez sur votre divinité, ceci c'est quelque chose de voulu. Donc, l'orgueil les a remplis quand il les a appelés vers la ilaha illallah. Ils se sont détournés du prophète alayhi salatu wasalam, ils se sont sauvés de lui. فهذا إمام الموحدين إخوة الإسلام وسيد المرسلين تركنا على البيضاء ليلها كنهارها من الوضوح لا يزيغ عنها إلا هالك ومع هذا إخوة الإسلام كثيرا من البشر زاغوا عن هذه البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا الله عز وجل الإمام دي مونوتيسم Et le plus noble des messagers d'Allah, Azza wa Jal, nous a laissés sur une voie claire. La nuit et le jour sur cette voie sont identiques, ils sont aussi clairs l'un et l'autre. Et ne divise de cette voie que celui qui cherche sa perte. Et malgré tout ça, malgré la clarté de la voie de Muhammad alayhi sallam, beaucoup d'humains ont divié de cette voie. Et ils ont laissé cette voie claire de Muhammad alayhi sallam, ils sont allés vers d'autres choses. وهنا سؤال عظيم ينبغي لكل داعية أن يسأل هذا السؤال من أين انطلق وبماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيكم لا تغلى notre attention dessus الشيخ ربيع حفظه الله تعالى une question énorme qu'il faut qu'il martèle toujours notre esprit quand nous voulons faire la da'wa إلى الله سبحانه وتعالى d'où a commencé محمد عليه الصلاة والسلام par quel point il a démarré sa da'wa فهل كان قوم محمد يعارضونه عندما كان يدعوهم إلى صلة الأرحام والكرم بل كانوا يتمنون أن يقتصر على هذا لكن المشكلة هنا أجعل الآلهة إلها واحدا ولهذا قالوا له ألهذا جمعتنا تبا لك لماذا؟ لأنه دعهم إلى التوحيد وإلى إفراد الله بالعبادة maintenant frère الله عز وجل qu'on ait en mémoire toujours et que ce soit présent à notre esprit. Est-ce que le peuple de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam a fait face à Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam quand il les a appelés au fait d'entretenir les relations familiales et dans le fait d'être généreux, d'avoir un bon comportement? Mais ils espéraient que sa da'wa s'arrête là-dessus tout simplement. sur le fait d'entretenir la relation familiale, d'avoir un bon comportement, d'être généreux, etc. Mais le grand problème, c'est est-ce qu'il a fait que les divinités soient une seule divinité ? Est-ce qu'il a fait que les adorés soient un seul, que nous devions réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala ? C'est pour ça qu'ils sont criés à son visage. C'est pour ça que tu nous as réunis. Malheur à toi ! Pourquoi tout ça ? Parce qu'il les a appelés vers le monothéisme, frère en Allah azza wa jalla. Et ceci est très important. ويقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى واستمر داعيا الى هذا المبدا الاسمى والمطلب الاعلى طيله العهد المكي من رسالته 13 عاما لا يكل ولا يمل صابرا على كل الوان الاذى في سبيل نشر هذا المبدا فلم يفرض عليه من التشريعات واركان الاسلام الا الصلاه في السنه العاشره من البعثه اللهم الا ما كان يامر به قومه من معالي الاخلاق كصلة الرحم والصدق والعفاف ولكن محور الدعوة وموضوع الصراع والخصومة إنما هو ذلك الأصل العظيم. Et frère en Allah Azza wa Jal, notre prophète عليه الصلاة والسلام a continué, resté constamment sur le fait d'appeler vers son noble but, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, appeler vers le monothéisme. À l'époque mécoise, il s'est appris 13 années de sa vie. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas, il était patient. Tout ce qu'il a subi, il l'a enduré, il a patienté pour Allah Azza wa Jal, pour propager ce principe fondamental qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y avait aucune législation qui lui a été ordonnée à ce moment-là. Et aucun pilier de l'islam à part la prière qui lui a été fait obligatoire à partir de l'année 10 de son envoi. Mais il ordonnait aussi à son peuple la noblesse du caractère et du comportement, le fait d'être véridique, le fait d'être chaste et le fait d'entretenir la relation familiale. Mais le pivot de sa da'wah et le pilier principal de sa da'wah et la chose pour laquelle il a eu la guerre et il a subi avec son peuple, c'est la base fondamentale qui est quoi ? Qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le monothéisme. يقول الشيخ الربيع حفظه الله لقد كلف الله هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تكليفا خاصا ان يقوم بهذا الاصل العظيم. Et الشيخ de nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire à ce messager alayhi salatu wassalam une obligation particulière qui pour accomplir ce pilier principal qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Une obligation principale. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. Il dit dans le verset, nous t'avons descendu le livre avec la vérité. Adore Allah et accomplis la religion sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car la religion sincère appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ont pris d'autres alliés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui disent, nous les adorons que pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il va juger entre eux dans les divergences qu'ils avaient entre eux. Il va juger quand ? Le jour de la résurrection, sur cette divergence sur les divergences qu'ils avaient entre eux. Fa ikhwat al-islam. Falnatanabbah li hadhihi al-aya anna Allah yahkum baynahum. Kayfa yahkum baynahum? Qadaran wa shar'an. ويوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لا تنسى أخ الإسلام حاكمية الله ثلاثة أقسام لا تنساها أبدا. فالله حكم قدرا وشرعا وتكليفا وجزاء وحسابا. فهنا الله عز وجل fait très attention à ce terme. Allah juge entre eux. Fait très attention à ça. Et rappelle-toi ce qui passait, les détails que nous avons donnés. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il va juger. Allah, il le juge. Au niveau du destin, il n'y aura rien dans ce monde. La hakimiyya d'Allah et les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala gèrent ce monde et il est de trois parties. Et je le rappelle encore une fois, la hakimiyya d'Allah, d'abord, les lois appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aura rien au niveau des destins dans cet univers sans que Allah subhanahu wa ta'ala les décrété et les voulu. Ou si Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le juge au niveau de la législation, c'est lui qui ordonne et qui interdit. Et aussi troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le juge le jour de la résurrection, où il y aura la récompense et ou le châtiment. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي يوم عذاب يوم ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني. Il est dit dans l'autre verset dans Sourate Zumar, il m'a été ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement et d'accomplir la religion sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il m'a été ordonné d'être le premier soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, j'ai peur si je désobéis à mon souverain, qu'il m'arrive le grand châtiment, le châtiment, l'énorme, le jour, le grand jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Dis, Allah j'adore sincèrement et pour lui j'accomplis ma religion sincèrement. Dans ce verset, il y a recommandation après recommandation après recommandation dans le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est dit dans l'autre verset, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمْحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Et il est dit dans l'autre verset, dit, ma prière mérite ma vie, ma mort sont pour Allah, souverain des mondes. Il n'a pas d'associé. Et ce qu'il m'a été ordonné. Et je suis le premier des musulmans. ويقول الشيخ كما أمره أن يقوم بدعوة الناس جميعا إلى تحقيق هذا المبدأ والنصوص والنهوض به. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Et cher de nous dire, comme lui a été ordonné aussi d'accomplir la da'wa, d'appeler tous les gens et d'appeler tous les gens à accomplir ce principe fondamental et d'accomplir dans leur vie le monothéisme. Il est dit dans le premier ordre, dans Surat al-Baqarah, à partir du verset 21, aux gens, c'est tous les gens sont concernés. Aux gens, adorez votre souverain, et évidemment, dedans rentre aussi le jeûne. Aux gens, adorez votre souverain qui vous a créé, et ceux avant vous. Ainsi, vous allez atteindre la piété. C'est lui qui a fait que la terre soit stable pour vous, que vous puissiez y vivre, et qui a fait que le ciel soit un plafond duquel descend pour vous, duquel descend de l'eau avec lequel il sort les fruits de la terre et les subsistances. Ne faites pas d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala que vous le saviez. Regardez le premier ordre dans le Coran, quand vous lisez de Surat al-Baqarah du début jusqu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala au début de Surat al-Baqarah, il nous donne deux ou trois descriptions dans le Coran. Après, il nous donne, dans 3 versets 5, description du croyant. Après, sur à peu près 16 versets, il va nous donner les descriptions d'abord des hypocrites, après des mécréants. Et au 21, du 21 au 22 verset, va commencer le premier ordre dans le Coran et la première interdiction. Le premier ordre, adorez Allah. La première interdiction, ne faites pas d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. فإخوة الإسلام هذا أول أمر في سورة البقرة التي وسورة البقرة كما سماها العلماء سورة التشريعات العظيمة وهي أكبر سورة في كتاب الله من حيث عدد الآيات.